pas reconnaître tous les noms et je m'excuse pour ça. Je suis accompagné d'une femme extraordinaire avec ma belle Valérie. Une grâce, un don de l'Éternel et j'en suis très reconnaissant. Merci. Vous savez, on passe tous par des épreuves et on va parler ce matin d'un texte qui a été pour moi un passage dans ma vie pour, à travers tous les moments difficiles que j'ai pu vivre. Et on va revenir là-dessus. Même présentement, je suis dans un état de faiblesse, dans des symptômes de commotion qui persistent encore et même, etc. Fait que ça m'amène à des fois à même oublier, manquer de concentration, chercher mes mots, et, etc., etc. Fait que ça fait partie de ma réalité maintenant. Et je dis à mon épouse, oups, ça, c'est parti ce matin du mauvais côté, là. Mais la grâce de Dieu, on s'est mis à genoux. On a dit, Seigneur, c'est dans un état de faiblesse, je vais être parmi vous. En étant accueilli, aimé. Vous savez, un passage comme Paul aux Romains, dans le chapitre 8, c'est un passage, Romains 8, qui parle qui n'a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul aux Romains, il dit vraiment, il nous raconte finalement la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? La vie remplie de l'Esprit. La vie qui s'affectionne aux choses de l'Esprit. Celle qui nous donne la vie. On est en présence de Dieu. Et je vais lire avec vous le passage, celui-ci, au verset 32. Verset 31, excusez. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous avons mis à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions Dieu ensemble. Tendre Père, merci pour ta parole qui nous ramène aux réalités spirituelles, nous amène à toi. Comme nous l'avons chanté, nous voulons voir Jésus ce soir, ce matin. On veut rencontrer notre bien-aimé Maître, on veut être transformé par lui, par sa présence, dans l'esprit, dans l'homme intérieur. Nous désirons revêtir l'incorruptibilité. Nous voulons vivre ce que tu nous as préparé d'avance. Père, cher Papa, merci d'être là. Merci pour ton amour manifesté en Jésus. Amen. Plusieurs personnes nous posent des questions dans la vie de tous les jours. On nous pose la question, où est ton Dieu? Avec tout ce que tu vis, pourquoi que tu continues à aller à l'église? Pourquoi que tu as tant de problèmes? avec tous ces problèmes-là, pourquoi tu continues à croire que ton Dieu est bon, puis pourquoi tu continues à lire les Écritures avec tout ce que tu vis présentement, avec les problèmes de ta vie. Tu as tant d'épreuves, tant de maladies, tu as de la misère à arriver financièrement, ça va pas bien, des problèmes de cœur, d'abandon. Pourquoi tu continues? Et la question que Paul dit, c'est qui sera contre nous? Qui accusera? Qui condamnera? Qui nous va nous séparer de l'amour de Christ? La question du qui nous amène à dire que nous sommes dans un combat. Nous déclarons une guerre. En croyant en Jésus-Christ, en étant chrétien, on est en train de déclarer d'un côté où que nous sommes. Qui va accuser les chrétiens? Puis, plusieurs disent, c'est drôle, depuis que je suis chrétien, j'ai tout perdu. Ma famille, mon travail, mes amis. Et là, il y a une petite voix qui dit, en dedans de nous des fois, quand on passe par cette désobéissance, ces périodes difficiles dans notre vie, même il y a une voix à l'intérieur de nous qui dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? On a des questions et on s'en pose. C'est sûr que tous ceux qui vont vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés. C'est sûr, lorsqu'on se positionne avec Jésus-Christ, il y a des risques. Lorsqu'on prend une décision de foi, c'est sûr que ça amène à sortir de notre zone de confort à une zone d'inconfort, parce que nous croyons. C'est sûr qu'en ayant Jésus-Christ avec nous, ça nous positionne dans ce monde. Le fait de marcher par la foi, c'est sûr que ça va nous amener des décisions. Par exemple, dans l'évangélisation, on a des risques. Quand on commence à se positionner de quel côté nous sommes, inévitablement on dit, « Ah, tu es chrétien, les gens aiment entendre parler de spiritualité. » Là, si tu parles de spiritualité, tu es « in ». Mais si tu parles de Jésus-Christ, tu es « out ». Mais il y a un risque lorsqu'on dit « je suis chrétien et je crois en Jésus-Christ ». Lorsque tu arrives à une décision, tu dis « est-ce que je déclare ou je déclare pas? C'est au noir ou c'est pas au noir? » Lorsque moi est arrivé, puis le gars de déménageur, il dit « fais-tu un reçu? Ma soeur est là, mes tantes sont là, je suis en train de les aider, puis est-ce que vous voulez un reçu? » Moi, j'ai dit « oui ». Ma soeur a dit « ben non ». Ça va nous sauver 200 piastres de taxes. Ben, je dis, moi, c'est moi qui prends décision pour mes tantes, on déclare. Et finalement, ça nous donne une position, là où on se positionne. Donc, les gens nous disent, ça n'a pas d'allure. Le fait qu'on décide de marcher avec Christ dans le milieu du travail, des fois, ça va nous amener à la mission. Des fois, de laisser nos vacances pour... Il y a un prix. Un prix. Et malgré tout ce qu'on va vivre et souffrir, malgré ce qu'on vit ici-bas, le qui est là. Qui va nous accuser? Qui va? Qui est autour de toi qui va vouloir te faire arrêter? T'arrêter complètement? Te faire regarder le problème comme tellement grand, l'épreuve que tu peux dire c'est qui? Pour qui va m'arrêter? C'est sûr que la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les puissances. Et c'est sûr que dans l'histoire de l'Église, il y a eu constamment des persécutions, des famines, il y a des chrétiens qui ont été décapités, des chrétiens, même l'apôtre Paul qui a été frappé. On a été en péril, l'épée est là, il y a un risque, c'est certain. Mais la question c'est qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va atteindre notre cœur au point de nous faire croire que nous ne sommes pas des êtres aimés. Si l'adversaire arrive à nous convaincre que Dieu n'a pas d'amour, on lui donne beaucoup de pouvoir. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul dit que ça, ce qu'il fait passer à travers toutes ces épreuves, c'est parce qu'il sait et qu'il est convaincu qu'il est aimé. Se placer en dehors de l'amour de Christ, c'est déclarer sa misérabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à douter de son amour, je poserai la question, c'est qui peut aimer plus que Jésus-Christ? Quelle personne pourrait arriver à t'aimer autant que Christ? Chercher l'amour en dehors de lui, ça nous amène à une forme d'esclavage et se conformer à tout ce monde et devenir aussi misérable qu'eux. D'être constamment insatisfait par un amour humain. Et dans ce passage, la victoire sur le mal et les épreuves, c'est de savoir que nous sommes aimés. La conquête n'est pas de passer à travers l'épreuve, ou de vaincre une tentation, ou de prendre son ennemi puis de faire face à son ennemi. Mais ici, c'est la certitude que je suis aimé. La grande victoire, c'est d'être convaincu que tu es un homme et une femme aimée. Ce n'est pas de passer à travers l'épreuve. Ce n'est pas le fait de dire « j'ai vaincu la tentation ». C'est non, je suis tout simplement aimé, aimé par Dieu. Tu peux enlever mes biens, tu peux enlever tout ce que j'ai, tu peux enlever mon corps, me blesser et autres, mais il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu, de cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Parce que cet amour-là va passer au-delà de la mort. Même si je meurs, il continue à m'aimer. Lorsqu'Hélène a appris qu'elle avait le cancer, Hélène, mon épouse, la mère de Jérémy, lorsqu'on a appris qu'elle allait mourir, le médecin dit, il n'y a aucun médicament pour ça. La seule chose qu'on va faire avec ce cancer de la thyroïde, c'est de donner des soins de confort pour que vous puissiez respirer jusqu'à la fin. Et moi, je me disais, comment qu'on va faire pour prier? Comment qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Et mon épouse, Hélène, disait que tout soit pour la gloire de Dieu. Et là, je me rappelle, je me suis mis à genoux à côté d'elle, elle me flottait la tête, les cheveux de la tête, puis j'étais la tête sur ses genoux, puis je pleurais, je dis, comment je vais faire élever ce gars-là? Comment je vais faire? Il y a 14 ans, sans toi. Puis elle me dit, François, mon meilleur ami, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Jésus a donné sa vie pour moi. Puis je vais aller le rejoindre. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ est mon meilleur ami? J'ai dit oui, je m'en rappelle lorsque je t'ai demandé la main. Je t'avais demandé est-ce que tu veux me marier? Tu m'avais dit que tu étais déjà fiancé. Fait que j'ai dû changer ma phrase puis dire est-ce que je peux être le deuxième? Tant que c'est lui le premier. Et là, elle m'a pointé du doigt sur mes côtés et a dit, François, mon meilleur ami va prendre soin de toi, puis de mon garçon. Parce que il m'aime. Parce que Dieu m'aime. Qui va me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être l'épreuve? Ça va-tu le fait qu'on perd une personne? Je me rappelle aux funérailles, lorsque Jérémy, mon gars, il se lève, puis j'ai dit, c'est la dernière fois, tu vas vous donner un mot de témoignage, est-ce que tu voudrais? Alors il s'est levé, puis il a écrit deux phrases avant. Puis il se prend le micro, il y avait à peu près 400 personnes aux funérailles, puis il dit, j'aimerais remercier Dieu pour la mère qu'il m'a donnée. Parce qu'elle m'a enseigné dans les Écritures. puis il va s'asseoir. Le courage de parler comme ça devant tous. Et là, M. Alexanian s'est levé. M. Alexanian, c'est un des fondateurs de Sembec, qui était directeur. Il s'est levé, puis a dit devant tout le monde, « Jérémie, Jérémie, il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Christ. » Il a cité ce passage. Il dit, qu'est-ce qui arrive, que ce soit les épreuves, peu importe, car il dit, Christ t'a aimé. Il nous a tellement aimés qu'il a montré son amour. Comment que Christ a montré son amour? En manifestant à la croix. Il a montré qu'il nous a aimés parce qu'il a porté la colère de Dieu sur lui. Il nous a tellement aimés que Jésus-Christ a accepté de quitter son trône, venir sur la crèche comme un petit enfant et vivre comme nous sur cette terre. Jésus-Christ a vécu cette vie de famille. Il a vécu ce que c'était d'avoir faim, d'être fatigué. Jésus-Christ est venu ici pour vivre dans les limites de cette humanité. Il s'est fait rire de lui, refusé par ses propres frères. Les frères ne croyaient même pas en lui. Il a accepté les souffrances d'ici-bas, la soif, il a accepté les clous, il a accepté d'être humilié. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je donne ma vie qui ne se mesure pas. Je suis prêt à mourir pour toi. Parler de l'amour de Dieu sans la croix, c'est de ne pas comprendre l'amour. Parce que l'amour coûte quelque chose. Lorsque les gens disent, parlent de beaucoup Dieu m'aime, mais qu'ils ne parlent pas de croix, de le coût que ça a coûté pour manifester l'amour de Dieu, n'ont pas saisi le grand amour, parce que l'amour a coûté la vie du Fils de Dieu. Il fallait qu'il accepte lui-même cette période où il était à Gethsemane, qui dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Mon Père, je veux faire ta volonté, je veux que cette coupe puisse s'éloigner. Oui, il ne voulait pas souffrir vraiment, c'est certain. Humainement parlant, des grumeaux de sang sortaient de lui. Mais par amour pour ceux qu'il aime, à cause des siens, il a accepté la croix. Ça lui a coûté l'honneur, il a été humilié, le roi, humilié. Le Fils de Dieu, c'est le roi des Juifs, qui était non reconnu, non accepté par les siens, par son peuple, qui l'ont rejeté, qui ont dit « crucifie-le ». Il a été craché au visage. On a même planté sur son côté pour s'assurer qu'il était vraiment mort avant de le détacher de la croix. C'est la mort la plus horrible. Chaque respire qu'il prenait. Puis il dit, je fais ça par amour pour toi. Parce que je veux que tu comprennes que je fais ça parce que le péché mérite la mort. Parce que nous savons que Dieu qui est saint, sa sainteté est là et ses critères n'ont pas descendu, n'ont pas amélioré. Dieu n'est pas en train d'effacer les conséquences du péché dans le sens de sa sainteté. Il n'ignore pas, au contraire, Dieu est saint. Puis à cause de sa sainteté, il faut absolument qu'il règle la situation du péché, c'est-à-dire qu'il faut que Christ meure à la croix. Sa condamnation, c'est notre condamnation. Il a été crucifié à la croix parce qu'il a pris notre place. On le sait, on le répète plusieurs fois. Mais lorsqu'arrive le moment où tu as péché, je ne sais pas si vous avez senti la honte du péché dans votre vie. Et à un moment donné, j'allais pour annoncer la parole de Dieu. Puis, je venais de réaliser que je n'étais pas digne, que j'étais pécheur et ce que je venais de faire était mal. Et dans ma chambre à coucher, je me suis étendu à terre en pleurant. J'ai dit, ça ne se peut pas, Seigneur, je ne peux pas me relever. J'étais étendu à terre et là, je dis, Seigneur, je ne suis pas digne, je ne peux pas aller, je ne peux pas aller. Il y avait comme quelque chose en dedans de moi qui disait, ah, je t'ai. Arrête d'être hypocrite. Tu pèches encore, puis combien de fois que tu vas encore pécher? Et je me sentais écrasé. J'avais honte, pas capable de me relever. Et à un moment donné, dans mes pleurs, dans ce moment de contrition, j'ai dit, ça se peut pas, moi qui ai péché, qui ai fait ça. J'ai honte. La main du Seigneur à côté de moi, sa marque, puis il dit, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Relève-toi. Relève-toi, François. Donne-moi ta main. Et je t'ai écrasé, je ne voulais même pas me donner la main. Je ne voulais même pas. Et quand j'ai réalisé que Christ me dit, lève-toi, je te pardonne. Je te pardonne. Moi, je ne vois pas grand-chose. Pourquoi tu me pardonnes? Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde. J'ai donné ma vie pour toi. Je t'aime. Qui va te séparer de cet amour? Qui peut aimer plus que lui? Nous sommes un peuple de gens aimés, aimés, chouchoutés, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'adversaire veut nous écraser, nous garder à terre. Il veut que l'Église du Seigneur s'arrête. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Et nous allons conquérir encore. Nous allons nous lever encore. Et on va annoncer Christ encore. Il ne nous arrêtera pas. Et je me suis levé. Et j'ai parti. Il y a une personne qui est venue à Christ. Et cette personne est rendue pasteur d'une église. Cette rencontre avec Christ, Dieu voulait que je passe par cette épreuve de foi, de dire, Seigneur, c'est parce que tu m'aimes que je me lève. Est-ce que vous pensez que je me glorifie et dis, il y a un pasteur qui est venu, je l'ai conduit au Seigneur, oh, wow! Hey, c'est un pécheur qui était dans sa chambre à coucher. Il n'y a aucune gloire avec François. Il n'y a rien à nous. Mais toute gloire revient à lui qui a souffert la croix puis qui dit, je t'aime. Je t'aime. Tout ça arrive à cause de Jésus. Les tribulations, lorsque j'ai des angoisses, lorsque j'ai des moments où qu'est-ce qui va arriver de ma vie, mes inquiétudes, mes insécurités, lorsque j'ai des troubles pour payer des choses, lorsque j'arrive dans des situations où que les gens se moquent de moi, je peux me dire, et tu peux te dire, je suis aimé. Je suis aimé. Je suis plus que vainqueur et je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai pas besoin de fuir cette souffrance. J'ai tout simplement à l'accueillir puis dire, Seigneur, je vais passer par cette souffrance, par cette épreuve avec toi. Mieux vaut, ma mère disait ça, mieux vaut une tempête avec Jésus que les eaux calmes sans Jésus. Il y a une dame qui a eu beaucoup d'épreuves, elle a perdu beaucoup financièrement, puis elle venait à notre assemblée, et finalement elle est avec le Seigneur maintenant. Elle disait, gloire à Dieu, tout ceci arrive, tous ces problèmes que j'ai pour manifester l'amour de Dieu. Parce que les gens de ma famille disent, pourquoi tu continues à venir à l'église? Pourquoi tu continues? Moi, je continue parce que je t'aimais. Et elle continue, par la grâce de Dieu, dans sa présence maintenant. Qu'on soit accusé de péché, oui, nous sommes coupables. Qu'on soit accusé de gens qui prennent mal la vie, puis qui a toujours oui, on est prêt à dire oui, j'ai mal fait. De dire oui, mais Dieu, dans sa grâce, m'a pardonné. Et je suis plus que vainqueur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation, parce que Christ a donné sa vie pour moi. Dieu est là, puis il intercède. Il intercède même, il est déjà là. Puisqu'il m'aime, puisqu'il t'aime, nous avons une nouvelle relation les uns les autres. Lorsque je rencontre un frère ou une sœur, lorsque je vous vois, c'est vous, qu'est-ce que je vois? Quand je regarde, quand on se regarde les uns les autres, on a tendance à s'identifier par nos péchés. Ah oui, lui, il est un gars qui arrive en retard. Ah, elle, attention, elle va m'aimerer, fais attention à elle. Lui, il est en colère, c'est, écoute, il dit pas un mot, il pète le feu. Puis chacun d'entre nous, on se connaît assez là, pour s'identifier par nos péchés. Chérie, c'est quoi mon péché? Tu me connais? La tendance, en tant que croyant, de se blablader les uns les autres, puis inconsciemment, on est en train de se plaindre les uns les autres, puis on s'identifie par le mal que tu as fait à l'égard de l'autre ou à moi. Mais si on changerait notre vision des choses, puis on commencerait à regarder l'autre comme un être aimé, que tu es aimé par Dieu. Quand je regarde des gens qui sont aimés, qui ont du grand prix, que le sang de Jésus a été versé pour toi. Imagine-toi, là, la vision des choses, la perspective change complètement, parce que je sais que le sang de Jésus t'a lavé et qui a donné sa vie pour toi. Tu es un homme, une femme qui a du prix aux yeux de Dieu. C'est tout ce passe-là. Comment tu perçois l'Église? Comment tu perçois les événements dans la vie? Si je regarde, je voudrais tourner ensemble dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au chapitre 4. 2 Corinthiens 4. Au verset 16, Paul, il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous, quoi, regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur cette terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, c'est du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc, nous sommes plus toujours pleins de confiance dans le Seigneur. Et si le passage que je veux manifester, c'est que nous ne regardons pas aux choses visibles. Un poids éternel le présent et l'avenir, une perspective qui change complètement notre façon de voir, qu'on puisse avoir le renouvellement de l'intelligence dans notre cœur, qu'on puisse saisir les réalités spirituelles. Donc déjà, je peux être abattu. Déjà, je peux avoir des peurs, des craintes. Je peux vivre des troubles, oui, comme Jésus a vécu dans le jardin de Gethsémané. On vit des émotions, on vit des situations difficiles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense à Anne, par exemple, lorsqu'elle était au temple, qui n'avait pas aucun enfant, aucun... Combien de fois qu'elle a prié et elle se retrouve au temple, et là, elle avait de l'amertume dans le cœur. Oui, on vit des émotions, on vit des situations difficiles. Et Anne avait l'amertume et elle a été au temple. Puis elle a exposé son amertume. Elle avait à peine à parler. Il y a des choses qu'on dit au Seigneur qui sont dures. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Et d'exposer cette émotion-là devant Dieu. Et était là. Elle n'a pas prié à haute voix, elle a prié dans son cœur. Et Dieu était là pour l'entendre. Elle s'est fait juger. Et il y pensait qu'elle était saoule. Souvent, lorsqu'on expose nos... Il y a d'autres personnes qui nous jugent, qui ne comprennent pas. Mais elle était en présence de Dieu. Dans nos réunions de prière, on partage des requêtes. Puis vu qu'on passait par un temps assez difficile, j'ai un ami qui s'est suicidé, qui est un ouvrier. Puis je ne rentrerai pas tout dans les détails, mais ça a été assez difficile pour moi, une autre épreuve. Puis lui aussi a passé cette épreuve et toute la famille. Et je suis allé voir les funérailles, puis j'ai demandé des requêtes de prière, mais l'étude que j'avais apportée, c'est lorsqu'on vit quelque chose comme chrétien, lorsqu'on a un problème mental, un problème de dépression, d'angoisse, un problème qui se vit, des doutes, et on vient pour partager ça dans notre petit groupe de prière, aussitôt que tu dis, écoutez, je passe par des doutes, il va y avoir un frère ou une sœur qui va dire, non, tu n'as pas le droit de douter, là. Non. Tu vas commencer à dire, j'ai de l'angoisse, je prends des médicaments présentement contre l'anxiété. Hein? Voyons donc! Fait que là, on n'en parle pas. On ne dit pas qu'on va voir le médecin. On ne dit pas qu'on est en dépression. On ne dit pas, faut pas dire que ça va mal, parce que ça commence à dire mal, il va y avoir quelqu'un qui va me dire, voyons donc! Lève-toi! Faut que tu aies la foi! Prends du courage! Et finalement, j'expliquais dans mon petit groupe d'études bibliques, est-ce qu'on peut faire comme Anne, exposer notre cœur à Dieu, puis être authentique, dire, Seigneur, j'ai l'amertume dans mon cœur envers toi. Cette épreuve, je la trouve tough. On peut-tu dire ça à Dieu? On peut-tu dire à Dieu, je ne comprends pas, je ne te comprends pas, puis je ne suis pas là présentement, d'exposer ce que je suis en train de vivre? Fait que tout le monde écoutait l'étude biblique, tout le monde, ah oui, c'est vrai, c'est etc. Puis là, tout de suite après, quand est arrivé le temps de partage de requêtes de prière, je dis, bon, funérailles, j'aurais besoin vraiment, je ne saurais pas comment passer à travers ça, je suis vraiment terrassé de voir qu'un de mes collègues s'est enlevé la vie, je suis encore là. Alors, il y a une sœur qui a dit, voyons donc, pasteur! Là, j'ai regardé tout le groupe, est-ce que vous venez de comprendre l'enseignement? Regardez. On coupe. Mais parce qu'on est des gens aimés par le Christ, on va permettre que l'autre puisse exposer son cœur comme Anne. Elle a épandu son cœur devant l'Éternel. Et le lieu de prière, c'est le lieu qu'on veut venir pour étendre notre cœur. C'est pour ça que Jésus dit, viens avec moi, venez prier une heure. Puis finalement, c'est quand même trouvé tout seul. On veut être Même Jésus aurait voulu avoir quelqu'un à côté de lui dans ce moment de souffrance. Quelqu'un qui ne jugerait pas. Quelqu'un qui dirait, oui Jésus, tu peux vivre ces moments d'angoisse. Des grumeaux de sang sortent de toi. Je peux comprendre. Parce que moi aussi, ça m'arrive, Seigneur Jésus. Je vois que tu compatis avec moi parce que tes souffrances que tu as vécues, c'est les souffrances que moi aussi je vis sur cette terre. Il dit, vois-tu comment je t'ai aimé? Est-ce que tu réalises comment je t'aime? Parce que je ne te fais pas passer par des épreuves que moi-même je n'ai pas passées. Ce que je te demande, j'ai passé à travers. Jésus a passé à travers la souffrance, mais par la mort. C'est pour ça que le dernier moment, notre dernier souffle, il va être là encore à côté de toi. Il va dire, je sais ce que tu es. Parce que j'ai connu ce que c'était. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je remets mon esprit entre tes mains. Ou de voir sa mère, qui était pour être sans souci financièrement, et Jean, et finalement, Jésus a passé par ces étapes. Et il nous aime. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire dans Romains 8, ce matin, il nous invite à faire cette déclaration de foi au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, la hauteur, les profondeurs, ni aucune autre créature, aucune accusation, n'importe qui, personne ne va me séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Ce matin, je vous invite à faire un cri, une confession de foi. J'ai l'assurance, j'ai la certitude, je suis convaincu qu'il m'aime. Est-ce que vous êtes prête à crier, à le dire à votre âme, de dire, Seigneur, je suis un être aimé. Et qu'on le se dise les uns les autres ce matin, je suis aimé, tu es aimé. J'ai l'assurance que rien ne va me séparer de son amour. Est-ce que vous êtes prête à faire cette déclaration de foi? D'être aimé à grand prix par notre bien-aimé Sauveur. Prions Dieu ensemble. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour toutes ces épreuves. Merci parce que tu connais notre cœur, tu sais ce que nous vivons, chacun d'entre nous. Tu connais nos angoisses, nos peurs. Tu as vu des fois qu'on n'a pas pris position pour toi parce qu'on craignait d'être ridiculisé. On a eu peur soit d'évangéliser ou prendre position. Tu as vu le Pierre qui a renié en nous. On s'est identifié souvent à Pierre, puis on a dit, on te demande pardon. Et encore toi, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus, tu n'éteins pas le lumignon. Tu ne brises pas le roseau. Tu sais tous les fiascos, toutes les erreurs qu'on a faites. Toutes les fois qu'on s'est détourné de toi. Ta miséricorde, ta grâce, ton amour nous environnent. Merci de donner à chacun de mes frères et sœurs ici cet amour. Donne-nous cette conviction, cette déclaration de foi. J'ai l'assurance que rien ne me sépare de cet amour. Tu nous aimes. Et on n'a pas besoin d'autres preuves. Ça nous suffit qu'on soit aimé par la croix, sur la croix. Jésus a vaincu l'accusateur, celui qui veut nous détourner de cet amour. Merci Seigneur Jésus d'entendre.